Chapitre 2e. Son fourre-tout alourdi d'une dizaine de pommes de terre, d'une tranche de lard, tant pis pour la cacher en route de Dilber, et d'une demi-douzaine de, merci Léopold, le tout caché sous ses instruments d'auscultation et ses médicaments, Louis se dirigeait à pied vers l'entrée voisine de celle de Simon. En ce matin d'été, l'air avait un petit goût de chèvrefeuille. Il est vrai que ce n'était pas les échappements des rares automobiles allemandes qui auraient pu gâter l'atmosphère. Maigre consolation, on avait l'impression d'être à la campagne en pleine ville. À travers les persiennes fermées, Simon scrutait la rue en bas. Une traction vint s'arrêter sur le trottoir d'en face. Deux escogriffes en descendirent en claquant les portières. Un troisième resta au volant. Simon se dit que l'Éternel n'était jamais si méchant que cela. Si la voiture s'était arrêtée juste en dessous de sa fenêtre, il n'aurait pu l'apercevoir. « Olga, ça y est, les voilà. C'est pour nous cette fois, j'en suis sûr. » Les yeux dans les yeux, chacun lut à livre ouvert dans l'âme de l'autre. En un éclair, leur serment fut renouvelé, ils ne firent plus qu'un. C'était la fin de l'angoisse et le début du cauchemar. Ils avaient toujours su qu'ils en arriveraient là. Ils s'y étaient préparés et l'acceptaient. Chacun se dit que s'ils restaient ensemble, ils pourraient tout supporter. Le plus important était de sauver David, le reste ne comptait pas. « David, va vite dans ta cachette et surtout n'en sors pas, quoi qu'il arrive. Attends qu'il n'y ait plus du tout de bruit dans l'immeuble pour bouger. Et puis, quand il fera nuit, tu iras chez Louis en faisant bien attention de ne pas te faire voir. Nous te préviendrons quand nous reviendrons. Tu as bien compris, mon chéri. Surtout ne bouge pas. Allez, va !» David alla se tapir dans un recoin sous l'évier, un endroit qu'il était le seul à pouvoir atteindre. Il replia ses genoux sous le menton et fit la boule. « Il faut essayer de sortir par l'autre entrée, ça fera diversion, tu ne crois pas ?» demanda Olga. « Oui, allons-y. » Il savait pertinemment qu'il n'échapperait pas, mais jouait le rôle que le destin leur avait attribué. En bas, les policiers discutaient avec la concierge, puis rapidement des coups furent frappés dans la porte d'entrée. « Ouvrez ! Police ! Nous savons que vous êtes là ! Inutile de perdre du temps !» Chaque mot ponctué de coups de pied dans la porte. Simon et Olga passèrent dans l'escalier de l'immeuble voisin. Au dernier palier, ils entendirent la concierge qui vociférait. « Je vous dis qu'ils peuvent aussi passer par là, montez, vite !» La route était coupée aussi de ce côté-là, Simon s'y attendait. Ils remontèrent tous les deux l'escalier 4 à 4 pour réintégrer leur appartement. Leur instinct leur dictait de tenter de détourner l'attention des policiers pour protéger leur fils. Ainsi, ils sauraient si David en réchappait ou non. Le gamin, recroquevillé dans son réduit, entendait tout cela. Était-il éveillé ou était-ce un cauchemar? Il se boucha les oreilles pour ne pas entendre. Non, ce n'était pas possible. Les deux escogriffes finirent par enfoncer la porte. Les époux étaient au milieu du salon, main dans la main, à attendre leur sort. Avec beaucoup de tendresse, Simon replaça une mèche rebelle derrière l'oreille d'Olga. « Vous êtes bien Simon Zilbar ?»« Oui, et c'est mon épouse, » dit Simon en désignant Olga. « Préparez quelques affaires, vous allez nous suivre, dépêchez-vous. »« Où nous amenez-vous ?» se hasarda Simon. « Au commissariat pour interrogatoire. Après, vous verrez bien. » Simon et Olga s'affairèrent rapidement en évitant de jeter un quelconque regard vers la cuisine. « Allez, suivez-nous !» dit l'un des policiers en prenant fermement le bras de Simon. David entendit les bruits de pas décroître dans l'escalier. Il se retint pour ne pas hurler, car il avait l'intuition qu'il ne reverrait jamais ses parents. Il sentit une rôle de chaleur dans l'entrejambe. La peur avait été plus forte que ses sphincters. Il se sentit comme un pauvre animal, sale, apeuré, traqué et abandonné. Il ne bougea pas d'un pouce, et d'ailleurs l'eût-il voulu qu'il en eût été incapable. Arrivé devant l'entrée des Zilber, Louis eut une soudaine montée d'angoisse à la vue de l'attraction garée sur le trottoir. L'inéluctable plomba sa raison. Où sont-ils? Il vit la réponse. Simon et Olga, encadrés des deux policiers, franchissaient la porte cochère de l'immeuble. Trop tard. Il s'approcha, complètement atterré. La concierge surgit hors de sa loge, gesticulant. « Et le gamin? Vous l'avez oublié, le gamin? Nom de Dieu, allez le chercher, ils étaient trois !» Simon, très calme, répondit à l'adresse de tous. « Notre fils est à Marseille, chez mon cousin, depuis longtemps. Ça fait toujours un de moins que vous n'aurez pas. »« Pourri !» vociféra la concierge. « Ils sont tous pareils, bah! Mais on vous aura jusqu'au dernier. Allez, jusqu'au dernier, racaille, bah !» « Bon, ça suffit, en route !» déclara l'un des policiers au fort accent parisien. Cette altercation avait littéralement glacé le sang de Louis. En passant près de lui, Zilber, sans le regarder, lui glissa en allemand. Ich bitte dich, kümmere dich um ihn. Occupe-toi de lui, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Rugit l'un des hommes. Il m'a dit d'aller me faire foutre. Puis les policiers firent entrer les époux dans la voiture en leur appuyant sur la tête sans ménagement. Les portières claquèrent, la voiture démarra brutalement en faisant crisser ses pneus. Louis reprenait doucement un peu d'aplomb. Pour réagir à la crampe qui venait de lui broyer l'estomac, il fallait qu'il fasse quelque chose, n'importe quoi. La concierge attira son attention, deux yeux porcins exorbités dans un visage suintant de gras, la mèche en bataille. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Louis pour faire parler la bonne femme. « Bon, rien. C'était des youpins qui comptaient passer à l'as. Mais on me l'a fait pas, moi. J'ai l'œil. J'étais persuadé qu'ils se planquaient. C'est dommage qu'il n'ait pas eu le gamin. Ça aurait fait un de moins. » Louis ravala son dégoût et sa haine. Il y a quelques mois seulement, il aurait trouvé des excuses à la conduite de cette femme. L'alcoolisme, la cherté de la vie, la solitude et tout le tremblement. Mais à cet instant, son cerveau venait d'enclencher un chargeur tout neuf. « Ouh, mais dites-moi, vous m'avez l'air bien énervé, ma bonne dame. Vous ne seriez pas en train de me faire une poussée de tension. Pourquoi, vous êtes docteur, peut-être ?»« Mais oui, justement, » dit Louis d'un air très protecteur et convaincant. Il ouvrit son bagage et en extirpa son tensiomètre. « Venez, entrons dans votre loge que je vous prenne la tension. » Devant la réticence de la concierge, Louis lui affirma que ça ne lui coûterait pas un centime, son serment lui interdisant de laisser un être humain en souffrance. La concierge entra et s'assit sur une chaise. Louis lui passa le brassard et actionna la poire. Bon Dieu, c'est vrai qu'elle avait de la tension. 19-11, c'est beaucoup. Je vais vous faire une piqûre de sédatif. Ça va faire baisser votre tension, et puis il faut vous reposer un peu. Le repos, la concierge allait en avoir. Louis lui injecta une large dose de chlorure de potassium. La chose faite, il monta lentement l'escalier. La porte des Hilbert était entrebâillée. Louis n'avait pas laissé le temps à la Bignole d'accomplir la razzia qu'elle devait escompter. Les gages des deux verrous avaient lâché, mais la serrure du milieu était intacte puisqu'elle n'était pas enclenchée quand la porte avait sauté. Louis referma doucement le battant et donna un tour de clé. Sans bruit, il pénétra dans l'appartement et appela à faible voix. « David ! David, c'est moi, Louis ! N'aie pas peur ! David, où es-tu ? Je viens te chercher !» Louis n'avait pas la certitude que l'enfant fût là. Mais d'après les derniers mots de Simon, il ne voyait pas où il aurait pu être. Si le gamin était vraiment chez un cousin, Simon aurait bien dû penser que Louis n'avait pas l'adresse de ce parent. Il en était là de ses réflexions quand il sentit confusément une présence derrière lui. Il se retourna et David était là, devant lui, sans qu'il l'ait entendu venir. Il s'accroupit pour être à la hauteur du gosse. David, une petite statue représentant le désespoir. Ses yeux fixaient un point imaginaire. De légers tremblements agitaient ses membres, les joues inondées de larmes, les paupières gonflées, et une respiration empêchée d'asthmatique qui manque d'air. La chemise dépassait de son pantalon souillé. Louis prit doucement une des mains du gamin, en ayant toujours l'impression d'être transparent pour lui. « David, mon poussin, dis-moi quelque chose. » Soudain, l'enfant se précipita sur Louis, qui bascula en arrière. Il l'enserrait de ses petits bras, et ils restèrent ainsi un long moment, couché sur le sol. Au bout de longues secondes, David releva la tête avec un regard grave d'une tristesse infinie. Remarquant les larmes qui perlaient aux yeux de Louis, il eut un vague sourire. « Toi aussi tu pleures? Tu as de la peine ?»« Bien sûr que j'ai de la peine. Ce n'est pas mal de pleurer, tu sais. Tout d'abord, il faut que tu te laves et que tu te changes. Direction, salle de bain. Je te prépare quelque chose à manger pendant ce temps. » Fogel saisit deux œufs dans son fourre-tout pour préparer une petite omelette. « Merde, pas de pain. » Tant pis, David mangerait mieux à la maison. Le gamin revint dans la cuisine dans un slip un peu grand pour son petit corps maigre. Qu'est-ce que je mets comme pantalon, tonton Louis? Celui qui te fait plaisir, poussin. Pendant qu'il s'habillait, Louis réalisa qu'il allait falloir lui prendre des habits, donc une valise, donc un contrôle possible dans la rue. Une meilleure solution lui vint soudain à l'esprit. David, mets sur ton lit toutes les affaires que tu veux emporter, tes vêtements, tes jouets, tes livres. Pas trop de choses tout de même, qu'il ne faille pas un camion pour tout porter. Je viendrai plus tard avec un ami les chercher. Le transport ne poserait pas de problème dans un véhicule allemand, conduit par Hans. David lui répondit, étonné. Pourquoi il faut que je m'en aille? J'attendrai ici, papa mon et ma manga. Non, mon chéri, tu ne peux pas rester ici. Ils reviendront certainement, Mais ce n'est pas pour tout de suite. Chez moi, tu seras plus en sécurité. Plus vite on sera sorti d'ici, mieux ça vaudra. » Tout en mangeant, David réfléchissait, le front plissé. « Quand est-ce qu'ils reviendront, mes parents? Demain, tu crois ?»« Non, je ne crois pas, mon poussin. Ils seront absents pendant un certain temps. »« Tu crois qu'ils vont aller dans un camp ?» Louis en resta interloqué. David savait donc ce que risquaient ses parents. Ils avaient dû en parler devant lui. Mais il se refusa à penser que ce malheur pouvait s'abattre sur eux. « J'espère que non. Mais ne t'inquiète pas. Si c'est le cas, je ferai tout ce que je peux pour les en sortir. » Comme il est facile de mentir aux enfants pour les rassurer. « Si tu peux, » laissa tomber David, montrant qu'il n'était pas si naïf que cela. Au moment de sortir, il lâcha la main de Louis et courut vers la cuisine. À l'aide d'un couteau, il souleva deux carreaux blancs du potager. Dessous, dans le ciment de la paillasse, une cage de 3 cm de profondeur avait été ménagée. David saisit la liasse de billets qui s'y trouvait, ainsi que quelques menus bijoux. « C'est notre trésor. Papa Mont m'a recommandé de l'emporter si on partait un jour. » Ils sortirent sur le palier. Arrivé au bas de l'escalier, David tira brusquement Louis en arrière. « La concierge, elle va me voir. Ne t'inquiète pas pour la concierge. » En passant devant la loge, Fogel jeta un coup d'œil par la porte vitrée par-dessus le rideau en filet. La Bignole était toujours en position assise, les bras le long du corps, les yeux fermés et la bouche béante, dans la position traditionnelle du ronfleur à la recherche éternelle de son souffle. Dans la rue, Louis serra fort la main de David. « Mon Dieu, qu'est-ce que ça pèse lourd quelquefois, la main d'un gosse ? Tout le poids de la responsabilité. » Il se dit que Simon et Olga devaient l'imaginer en train de faire ce qu'ils faisaient, et cela le conforta dans sa résolution. Ils s'occuperaient de David comme de leur propre fils avec Codette, pensa-t-il. Ils n'avaient pas eu d'enfant. Pouvait-on dire, en pareille circonstance, que le malheur des uns faisait le bonheur des autres ? Dire que cet enfant aurait pu être meurtri dans sa chair en plus de sa douleur morale. Louis en frémit et se promit de faire payer de tels crimes sans attendre quelconque jugement des hommes et encore moins de Dieu. « Bonjour, voilà David !» fit Louis d'un ton gai pour inciter les autres à se mettre au diapason. Odette se précipita, blême. Elle avait immédiatement compris. Faisant un effort sur elle-même, elle esquissa un sourire et couvrit le gamin de baisers. Léo et Hans étaient restés dans le salon. Louis détailla les traits de David. Avec ses grandes oreilles décollées, son cheveu brun raide, ses yeux légèrement caves, pouvait-il raisonnablement passer pour leur fils? Il jeta un coup d'œil à sa propre image dans le miroir. Il regarda Odette. Non, vraiment, ce n'était guère crédible. De plus, l'existence d'un fils aurait été mentionnée sur leur livret de famille. Non. Le mieux était de le faire passer pour un orphelin dont les parents avaient disparu lors de l'exode de 40. Louis en avait vu passer de ces fuyards, dont certains n'hésitaient pas à abandonner en plein Paris leurs vieux qui les retardaient, leurs voitures, leurs armoires, leurs matelas, laissant les rues jonchées d'ordures et d'objets qui résumaient des vies entières. Beaucoup d'enfants et de vieillards avaient perdu leur famille, les uns cherchant les autres, appelant, geignant, essayant de se renseigner dans le désespoir et l'angoisse. Il entamerait dès demain les formalités d'adoption. Avec l'aide de Léo, ça ne devrait pas poser de problème. Vu que David n'était pas circoncis, heureusement pour lui. Un bon coup de catèche là-dessus pour lui apprendre les rudiments du christianisme, et il serait tranquille pour un bout de temps. Et si jamais, avec l'aide de Dieu, ses parents réapparaissaient, cela voudrait dire que la France avait été libérée, et il n'y aurait aucune difficulté pour que les Ilbors récupèrent leur parentalité. « Tu vas rester quelque temps avec nous, hein, David ? Viens, je vais te montrer ta chambre. » Les Fogel habitaient rue Tournefort, un appartement vaste mais froid l'hiver, surtout depuis les restrictions. Un très long couloir desservant des pièces en enfilade faisait le tour de la cour. Il permettrait à David de s'ébattre ou de faire de longues glissades. De retour au salon, Louis retrouva Léo, Hans et leur narra l'arrestation des Ilbers en omettant volontairement son entrevue avec la concierge. « Je suis profondément désolé, » murmura Léo. « Voilà encore un brillant fait d'armes de la police française. Ils ont pris des risques, c'est certain, » dit-il ironiquement. « D'autant plus que s'il y avait sur terre des gens qui, non contents de ne pas faire de mal, font du bien, c'était bien Simon et sa femme. » « D'après ce que tu racontes, c'est la concierge qui a dû les dénoncer. Qu'elle crève, cette salope !» Intérieurement, Louis approuva totalement son jugement. Odette revint au salon avec David. À la vue des uniformes, le gamin se raidit, complètement figé. Bien que placé derrière lui, Odette sentit la réaction de David. Il fallait agir vite. Le gosse lança à Louis un regard lourd de reproche qui signifiait « C'est pour en arriver là que tu m'as ramené ?»« Non, non, David, David, ne crains rien, mon chéri, ce sont des amis, ils vont nous aider. »« Je veux pas !» cria-t-il en faisant volte-face. Odette ne put le retenir de s'enfuir dans sa chambre. Les quatre adultes étaient atterrés même si la situation avait été prévisible. Léo enleva alors la veste de son uniforme, sa cravate, et se rendit dans la chambre de David. Il frappa doucement à la porte, entra et referma derrière lui. Les autres s'attendaient à des hurlements, mais ce silence inattendu devint pesant. Quelques minutes plus tard, Léo réapparut, tenant l'enfant par la main. « Voilà, maintenant nous sommes copains, pas vrai, David ?» David acquiesça de la tête. « J'ai fait le serment solennel à David de libérer ses parents, quoi qu'il advienne. » Odette et Louis regardèrent Léo avec un air si étonné que David s'en alarma. « Tu vois, David, même eux, ils ne me croient pas, et pourtant, je te jure que Hans et moi, nous le ferons, c'est promis, juré. » Odette, qui sentait mieux les choses et les êtres que son mari, déclara d'un ton enjoué « Allez, à table. » « Ce n'est pas pour ce qu'il y a à manger, quoiqu'il y en ait beaucoup qui voudraient être à notre place, mais ça nous changera les idées. N'oublie pas tes rendez-vous de l'après-midi, Louis. » 15h. L'incident s'était finalement bien terminé et David jouait avec Odette. Les premiers clients étaient déjà dans la salle d'attente. Madame Lacaze, M. Meyer et Madame Kubler pour l'instant. « Bonjour, c'est à qui ? Entrez, je vous en prie. » Louis fit entrer Madame Lacaze, une femme pleine d'avantages, comme on dit. De jolies jambes, une poitrine agressive, un joli minois. Elle avait passé la cinquantaine et s'épanouissait. Seulement voilà, à part gagner de l'argent, rien n'intéressait Madame Lacaze. Elle tenait un commerce d'épicerie fine et sa clientèle avait les moyens d'allonger les bifetons pour faire oublier les tickets d'alimentation. Plus les gens étaient rationnés, plus elle s'enrichissait. Elle avait tout pour plaire, mais n'en profitait pas. Même son mari s'y était fait et avait baissé les bras. Elle était pingre au point de faire pâlir Harpagon lui-même. Les seules dépenses qu'elle s'autorisait, à son mari elle n'en autorisait aucune, c'étaient des vêtements et des chaussures. Tout chez elle sentait le bon faiseur hors de prix. Bien qu'élégante, on ne pouvait pas dire qu'elle était sympathique. « Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Lacaze ?» Louis eut presque envie d'ajouter. « Vous n'avez plus de tiroir-caisse assez grand. » « Depuis quelque temps, je me sens bizarre, docteur. Quelquefois j'ai chaud, à d'autres moments j'ai froid. Et puis je suis tout le temps énervé. Mon mari m'énerve, mes clients m'énervent, tout le monde m'énerve. J'ai quelquefois la tête qui gonfle et j'ai l'impression qu'elle va éclater. Et puis, voilà 4 mois que je n'ai plus mes époques. » Après une brève auscultation, Fogel laissa tomber son diagnostic. « Ce n'est rien, Madame Lacaze. Ce n'est que la ménopause qui commence à vous travailler. C'est désagréable, mais ce n'est pas une maladie. Vous allez prendre ce que je vous donne et dans 2 ou 3 mois, tout rentrera dans l'ordre. » Soucieux de plaire à sa cliente, il amena la discussion sur le terrain privilégié de l'épicière, son fonds de commerce. « Alors, les affaires, qu'est-ce que ça donne par les temps qui courent ?»« Ça ne marche pas fort, docteur. Les épiciers n'ont plus rien, alors vous pensez, pour l'épicerie fine, c'est encore plus difficile de s'approvisionner et de trouver des clients. Et avec cette foutaise de carte d'alimentation, ce n'est pas gagné. Si ça continue, je vais mettre la clé sous la porte et me retirer à la campagne. » Au passage, Louis coûta l'euphémisme, se retirer. Ah, elle ne manquait pas d'air, si chacun avait pu se retirer comme elle. Ce serait dommage, Madame Lacaze, car si tout le monde faisait comme vous, le quartier mourrait de sa belle mort. Avec les restrictions d'essence et de transport en commun, si les commerçants du quartier ferment, ça ne sera plus possible pour beaucoup de gens. Ce qu'elle ne disait pas, la garce, c'est que sa cave regorgeait à coup sûr de charcuterie, vin fin, champagne. Louis en aurait mis sa tête à couper. « En tout cas, ajouta-t-elle, les Juifs, eux, ils arrivent à survivre. La mauvaise graine, ça meurt pas, va. Tiens, il y en a un dans votre salle d'attente, vous l'avez vu ?» Elle voulait parler du meilleur. « Non, je n'ai pas fait attention. Mais vous savez, quand il s'en présente un, en général, je lui fais comprendre que ce n'est pas la peine qu'il revienne. » Mensonge d'arracheur de dents pour un toubib, ça l'affichait mal. Mais Louis avait tout de même abondé dans son sens, pour voir jusqu'où pouvait aller la haine et le mépris de cette peau de vache. Elle avait apprécié la remarque du médecin. « Et vous avez bien raison, » approuva-t-elle. « Je me demande comment il se fait qu'il y en ait encore autant, si ça ne tenait qu'à moi. » « Que feriez-vous de plus que la police et la Gestapo ? Vous les tueriez sur place ?» Madame Lacaze ne répondit pas directement. Elle laissa tomber un « tout de même » en hochant la tête, puis continua sur le même thème. « Vous savez que la concierge du 10 est décédée ? On l'a découverte morte dans sa loge en fin de matinée. Ah, celle-là, je vous prie de croire qu'elle ne les aimait pas, les Youpins. Elle a fait le ménage dans son immeuble avant de canner, paix à son âme. » La mort de la concierge du 10 n'étonnait absolument pas Louis, mais il demanda quand même. « Et elle est morte de quoi ?»« Oh, certainement d'épuisement. Elle en faisait trop. Et puis je crois qu'elle picolait un peu aussi. »« Ah, voilà !» fit Louis d'un ton pénétré. « Ceci explique cela. »« Bon, docteur, je vais vous laisser. » Son regard froid esquissant un sourire. « Combien vous dois-je ? » Louis titilla encore le démon qui animait sa cliente pour la pousser dans ses derniers retranchements. « Oh, vous savez, l'argent ne peut pas faire grand-chose avec, ou alors il en faut beaucoup, » dit-il d'un ton désabusé. « J'ai compris. Passez à la boutique dans la soirée. J'ai un Jésus de Lyon entier. Du Jésus, je pense que ça fera l'affaire. » « Parfaitement, Madame Lacaze. Tenez, » dit Fogel en ouvrant son armoire vitrée. « Puisque vous êtes si généreuse, prenez les médicaments, il m'en restait. Mais si je comprends bien, vous arrivez tout de même à vous approvisionner. Je ne suis pas complètement idiote, docteur. Ceci reste évidemment entre nous. Allez, je vous laisse avec votre juif. Occupez-vous bien de lui. Vous voyez ce que je veux dire. » Louis ne put s'empêcher de terminer par une pointe d'ironie. « Si la Gestapo traîne ses pieds dans le quartier, elle serait capable de lui payer un petit voyage. Mais les SS pourraient aussi renifler du marché noir, qui sait ?»« C'est ça, portez-nous la poisse, docteur. » Louis la fit passer devant lui pour la reconduire et jeta un coup d'œil à sa croupe. « Mon Dieu, tant de bassesse, de méchanceté, de cupidité dans une si belle carcasse, quel gâchis !» Il fit ensuite entrer M. Meyer, à qui Mme Lacaze jeta en sortant une œillade assassine, la lippe dégoûtée. Décidément, il était écrit que le docteur Fogel consacrerait sa journée à des juifs. Le vieux Meyer suait l'angoisse par tous les pores. Presque septante, petit, sec, vêtu proprement mais simplement, l'étoile jaune souillait le revers de sa veste. Quelques années avant-guerre, Adam Meyer avait une petite imprimerie au fond de la cour de l'immeuble. Louis parlait souvent avec lui de livres et de reliures, ses deux passions. Dès qu'il avait un moment, il allait respirer l'odeur de l'encre fraîche, le parfum fort du papier neuf, dans l'éclatement sec et rythmé des machines. Meyer le laissait quelquefois composer quelques lignes à l'aide d'une petite case qu'il lui avait fabriquée, et Louis les imprimait ensuite sur une petite presse à main. C'était pourtant grâce à lui que Louis était devenu médecin, car, bien évidemment, il brûlait de devenir imprimeur, ce qui faisait entrer Meyer dans des colères folles. « Tu as la chance de pouvoir faire des études et tu veux te noircir les mains. » En 36, lors des manifestations, n'ayant pas eu le temps de disparaître dans la cage d'escalier, Louis s'était réfugié derrière une machine pour échapper à une bande de furieux qui voulaient à toute force lui faire suivre leur manif alors qu'il avait des patients urgents à soigner. Lors de la retraite venue, M. Meyer avait attendu vainement que quelqu'un reprît son imprimerie. Il avait dû finalement vendre les machines à bas prix pour libérer le local. Sa femme et lui avaient quitté le petit appartement qu'ils occupaient au troisième pour un logement plus grand, deux rues plus loin. Louis avait toujours gardé une estime mêlée de tendresse pour cet homme profondément bon. « Je ne suis pas bien, Louis, pas bien du tout. Vous avez mal quelque part, Adam ? C'est là-dedans que j'ai mal, » répondit Meyer en montrant son crâne. « Des maux de tête ? Mais non, je n'ai pas le moral, si tu préfères. Je broie du noir, car je sais que je n'en ai plus pour longtemps. Ma femme Rachel non plus. Qu'est-ce qu'elle va devenir sans moi ? Elle n'est plus capable de faire quoi que ce soit toute seule. Ça ne va pas mieux depuis son attaque. Elle arrive à bouger un peu les bras, mais elle peut toujours pas marcher. Franchement, Adam, vous croyez que c'est raisonnable de se balader dans Paris avec ce crachat sur votre veste après les dernières rafles ? Oui, je sais. Mais tu es la seule personne qui puisse encore m'aider. C'est pour ça que j'ai fait l'effort de venir te voir, Louis. Qu'est-ce que je peux faire ? Je risque d'être arrêté d'un moment à l'autre. Et si ça se trouve, ma femme a déjà été amenée à l'heure qu'il est, pendant que je suis là. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Ma femme et moi, on n'a jamais voulu de mal à personne. Nous sommes Français depuis 3 générations. J'ai la croix de guerre 14-18. Nous avons donné notre fils pour la France. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Je ne sais pas où aller, où nous cacher. Rachel ne marche pas, il n'y a pas de taxi, rien. Je finirai par aller trouver les flics, comme ça tout sera terminé. Devant la détresse de cet homme, témoin de ses années de jeunesse, Fogel eut soudain une idée. Depuis ce matin, il avait une fâcheuse tendance à laisser libre cours à ses impulsions. Il n'en éprouvait aucune culpabilité, d'ailleurs. Cela faisait trop longtemps qu'il se complaisait dans son rôle de toubib de quartier bourgeois. Il fallait qu'il agisse, qu'il se conduise en adéquation avec ce qu'il ressentait profondément, et tant pis si ça cassait. « Attendez, Adam, j'ai peut-être une solution. Vous n'allez pas retourner dans la rue, c'est trop risqué. Mais ma femme, elle va se faire un sang d'encre, je ne peux pas la laisser toute seule. Je sais, mais ne vous inquiétez pas, vous allez voir. » La solution, en fait, était bien simple. L'étage au-dessus était divisé en 4 appartements au lieu de 2. L'un d'eux avait été libéré par le décès d'une veuve de 85 ans. Meyer et sa femme l'occuperaient en attendant que tout le monde y vit plus clair. Si seulement on pouvait avoir des faux papiers. Mais une autre idée lui vint encore. « Restez ici. Vous allez occuper clandestinement un des appartements du dessus. Odette va s'occuper de vous. Je vous promets que je reviendrai avec votre femme et vous serez à l'abri tous les deux. Mais pour manger, comment on se débrouillera ? Ne vous inquiétez pas, on fera avec. »